Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Ariane Perdigal pour son livre Mémoire d'Afrique publié aux éditions Nereia. Bonjour Ariane. Bonjour Mona, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Pouvez-vous vous présenter, nous parler un peu de vous ? Oui, alors... écoutez, je publie des livres depuis une dizaine d'années maintenant. Initialement, je suis née avec deux passions, la zoologie et la littérature, deux passions qui m'occupaient toutes les deux. J'avais décidé de faire des études de biologie pour devenir ornithologue parce que j'avais l'espoir de pouvoir vivre et travailler en pleine nature. Et pour moi, ça, c'était merveilleux. Et tout en écrivant, depuis l'âge où j'ai pu le faire, où j'ai su écrire, j'ai commencé à écrire de toutes petites choses. Et puis pendant mes études scientifiques, quand j'avais le temps, j'écrivais des nouvelles que parfois j'envoyais à des revues, comme ça, juste pour m'amuser. Et ces études ont été interrompues par une maladie orpheline. Qui m'a obligée à tout laisser tomber. Et finalement, ça a été l'opportunité de me lancer vraiment dans l'écriture. Pas tout de suite, évidemment, mais de commencer à écrire. Et un jour, la question s'est posée de savoir si j'allais essayer de publier ou pas. C'est une question très difficile parce que quand on est passionné de littérature, on se sent écrasé par tous les grands écrivains qui ont déjà tout dit sur les choses essentielles. Donc on se dit à quoi bon publier mon petit livre. Et puis j'ai trouvé des prétextes, j'appelle ça des prétextes. Les deux premiers livres en fait étaient destinés initialement... aux personnes hospitalisées, parce que bon, je passe pas mal de temps à l'hôpital, je vois beaucoup de gens qui s'ennuient énormément, qui sont très anxieux, etc. Donc je me suis dit, je vais écrire des livres distrayants, à suspense, mais humoristiques, pour ce genre de gens, pour qu'ils puissent lire la nuit, pour qu'ils puissent se changer les idées, etc. Donc voilà, c'était purement des livres de distraction, et puis ça a bien marché. Et il y a même d'ailleurs des gens hospitalisés qui m'ont écrit en disant que ça les avait beaucoup aidés pendant leur séjour. C'est très gratifiant. Ah, mais je n'en suis pas revenue parce qu'en fait c'était devenu des livres tout publics, voilà. Et que l'objectif qui était une sorte de fantasme d'aider des gens malades se soit réalisé, ça a été pour moi une surprise inouïe. Et ça m'a fait un plaisir immense, bien sûr. Donc, après j'ai écrit un recueil de nouvelles qui n'a rien de sinistre, mais sur les relations entre les personnes malades et leur entourage ou les médecins, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Alors j'ai essayé de varier les genres, et certaines sont franchement humoristiques, d'autres sont un peu fantastiques, d'autres sont réalistes. Mais pour que éventuellement les... Parce que j'ai remarqué que les personnes saines, très souvent... ne savaient pas trop comment approcher les malades et que leur dire, comment s'exprimer, etc. Donc je me suis dit, si ce livre peut les aider, leur montrer ce qu'on attend, c'est-à-dire d'être traités comme des personnes normales, simplement. Donc il y a eu ce recueil de nouvelles. Et puis ensuite, un premier roman publié chez Nereia. Et puis en janvier dernier, Les Mémoires d'Afrique. Chez Nereia aussi. Oui. Alors, vous pouvez nous parler de Mémoires d'Afrique, justement. Il s'agit d'une série d'entretiens, en fait. Hein. Oui, alors, en fait, c'est vrai que le sous-titre, c'est Entretien avec Paul Larvor. Mais, j'ai envie... Tous ceux qui ont lu le livre me disent que ça se lit comme un roman. C'est vrai, je confirme. Vous confirmez. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au cours d'un voyage en Égypte, il y a 5 ans, j'ai rencontré un monsieur de 89 ans qui voyageait tout seul. Et ça, bon, je me suis dit, on ne peut pas laisser ce monsieur seul, allons voir qui il est, si éventuellement ça lui ferait plaisir de bavarder. Et ça a été la naissance d'une amitié immense, très profonde, qui n'a cessé depuis de se développer, de s'enraciner. Et il se trouve que ce monsieur, Paul Larvor, a été médecin en Afrique équatoriale dans les années 50. Et donc, il m'a raconté énormément d'anecdotes que j'ai trouvées passionnantes. Et puis surtout, il m'a fait découvrir le travail qui avait été effectué à cette époque en pleine jungle et les résultats sanitaires fabuleux qui avaient été obtenus. Et je me suis aperçue que ça, c'était un aspect de notre histoire qui était totalement méconnu. Enfin, quand j'en parlais autour de moi, tout le monde découvrait, et moi, je n'avais jamais entendu parler de ça non plus. Donc, je lui ai demandé la permission d'écrire quelque chose là-dessus. Il était tout à fait heureux, pas du tout par orgueil ou par égocentrisme, mais simplement parce qu'il est très reconnaissant à l'ensemble des médecins qui ont travaillé là-bas et aux équipes d'infirmiers qui ont fait un travail remarquable dans des conditions particulièrement difficiles. Oui, on en reparlera effectivement. Mais c'est vrai que ça a l'air... Il fallait un dévouement, oui. un dévouement et une passion phénoménaux. Et... ainsi que pour les femmes des médecins, parce que les médecins, eux, effectuent un travail qui les passionnait, mais les femmes qui avaient suivi et qui se retrouvaient isolées dans un petit village en pleine jungle, à une époque où il n'y avait pas de téléphone, il y avait du courrier, mais très rarement, bref, elles étaient coupées du monde, et il fallait qu'elles se débrouillent toutes seules, sachant que leur mari partait 3 semaines par mois en tournée, donc... Bon, de la part des femmes, c'était un très très gros sacrifice. Moi, je pense, oui, effectivement. Il fallait une abnégation incroyable. Oui. Et bon, en fait, c'était des gens qui acceptaient de sacrifier leur santé, leur vie privée, une part de leur avenir aussi, parce que leur salaire au retour en France ne leur permettait pas d'acheter un cabinet, enfin d'acheter une clientèle, oui. Donc de s'installer. Donc c'était vraiment, enfin pour moi, c'est une très belle manifestation d'un humanisme. Et ça, c'est ce qui m'a le plus touchée. Oui. C'est cet humanisme et l'amour qu'a Paul Larvor pour l'Afrique. Et les Africains, les peuples qu'il a soignés, et comme il les a soignés pendant 6 ans, il a fini par très très bien les connaître. Si ça n'avait tenu qu'à lui, il y serait resté, il ne serait jamais rentré. Bon, sa femme, elle n'en pouvait plus. donc il a trouvé qu'elle s'était sacrifiée pendant 6 ans, que c'était déjà très beau de sa part. Donc ils sont revenus en France. Mais il est resté fondamentalement africain. Dans le livre, je décris un peu son appartement à l'heure actuelle et la musique qu'il écoute. Bon, il y a des décorations africaines partout. Il écoute des chœurs d'enfants africains. Et comme il le dit, ça a été la plus belle partie de sa vie. Alors écoutez, vous avez fait la transition là, puisque nous parlons de musique, nous allons faire la première pause musicale et nous allons écouter Yeke Yeke par Bourikanté. Thank you. 18h30 sur Fadjet, vous m'en lirez tant. Alors nous sommes toujours avec Ariane Perdigal. Alors votre livre Mémoire d'Afrique, c'est le récit de la vie d'un médecin, donc Paul Larvor, parti soigner les populations en Afrique équatoriale, pardon. Dans le cadre, alors j'adore, ça fait un petit peu désuet, dans le cadre du service de prophylaxie et d'hygiène mobile de l'Afrique équatoriale française. Ah, ça sonne un petit peu désuet comme ça. Donc dans les années 50. Mais alors la vie d'un médecin là-bas, c'était assez épouvantable parce que ça demandait beaucoup d'aptitudes autres que celles de la médecine. Ah. Tout à fait, il fallait être extrêmement débrouillard. Tout d'abord, il a commencé par apprendre ce qu'était la médecine équatoriale, parce qu'il s'agissait de soigner des maladies qui n'existaient pas en France, la lèpre, la maladie du sommeil, le pian, enfin des choses comme ça. Je précise que Paul Larvor est parti juste après avoir obtenu son diplôme de médecin. Donc il n'a pas eu du tout le temps d'exercer avant. Ce qui fait qu'il a découvert aussi sur place toute ce qu'il appelle la médecine quotidienne, les accouchements, il a dû tout apprendre sur le tas. Et puis pendant un mois, on l'a formé à la mécanique parce que, eh bien, quand il partait en tournée pendant 3 semaines sur les pistes qui étaient, grâce aux photos qui sont dans le livre, on imagine un peu ce qu'étaient ces pistes-là, mais c'était des chemins de terre extrêmement étroits, complètement cabossés, on tombait sans arrêt sur les bas-côtés, on tombait aussi dans l'eau. Enfin, bref, il fallait être capable de réparer intégralement un camion parce qu'évidemment, on ne pouvait pas faire appel à des dépanneurs et à des mécaniciens. Donc, il a fallu qu'il apprenne à démonter de A à Z tous les types de camions et de voitures qui existaient à l'époque. Donc, il a fallu aussi qu'il soit très débrouillard pour l'installation de sa case. Et Lolette, sa femme, enfin Claude, dite Lolette, elle aussi a dû en apprendre des choses parce que Paul et elle se sont mariés donc juste avant de partir. Elle était habituée à une vie parisienne assez confortable, en fait tout à fait classique, et elle a débarqué dans ce village où il n'y avait ni eau ni électricité et un climat horriblement dur, auquel elle n'a jamais réussi à s'adapter d'ailleurs. Et donc il a fallu qu'elle apprenne à tenir une maison dans ces conditions-là. Oui. Il y a eu ça. Il y a eu aussi le fait que pour soigner les blessés ou les malades, il y avait extrêmement, extrêmement peu de moyens matériels. Et donc, la débrouillardise, les idées parfois un peu farfelues permettaient de sauver des vies. Il y a une histoire où Paul raconte qu'il a recousu un homme qui avait été mordu par un gorille en détortillant câble de frein, voilà. Il n'avait rien pour recoudre les blessés, donc que faire, il y avait un vélo qui était là, il détortille le câble de frein et il recoue avec ça, enfin ce genre de choses. Donc et puis en plus il était seul, donc il ne pouvait recevoir de conseils de personne. Il se retrouvait tout jeune médecin n'ayant jamais pratiqué auparavant face à des cas souvent assez extraordinaires. Et personne ne pouvait l'aider, personne ne pouvait le faire de suggestions. Il fallait qu'il se débrouille seul en espérant que le malade s'en sortirait. Oui, alors c'est vrai que c'était très très difficile pour sa femme, surtout qu'elle était pianiste. Alors on imagine. Voilà, une passionnée de musique qui était même concertiste, oui, qui avait démarré une carrière et qui était très prometteuse. Elle avait déjà donné des concerts à l'étranger, etc. Et pour l'amour de Paul Larvor, elle s'est retrouvée dans la jungle. Alors évidemment sans son piano, mais alors sans le moindre instrument de musique, sans radio, sans rien, ne pouvons pas écouter de musique. Et c'est ce qui a été le plus difficile pour elle. C'est il y a énormément de choses qui ont été très dures, mais ne plus pouvoir pratiquer le piano, ça a été absolument terrible. La seule petite compensation qu'elle avait, c'était les chants des Africains. Oui. La musique et les chants des Africains qui l'a fasciné. Et il se trouve que ces populations-là chantent tout le temps naturellement. C'est-à-dire, je le raconte dans le livre, dès qu'ils voient quelque chose qui les intéresse, ils le commentent en chantant. Ils trouvent un rythme et ils racontent ce qui se passe. Et puis, il y a aussi des chants rituels qui se répandent parmi les différentes tribus dans la jungle. Et dans certains cas, elle était tellement fascinée que, bon, elle prenait un carnet de musique et elle notait... Elle notait la musique, voilà, et ensuite, et puis il se trouve qu'ensuite ils ont réussi à trouver des disques dans des enregistrements de ces chants, mais pour elle, voilà, le manque de musique, l'isolement total, elle était quand même très très jeune, et d'un seul coup elle a été coupée de sa famille, de ses amis, elle n'avait plus personne, et son si mari... Si elle avait les migales, les moustiques, les mouches, que l'on va... C'est vrai, et elle n'était pas emballée. Oui, on le comprend. Voilà, et quand un serpent passe, alors qu'elle elle écrit à son bureau et qu'un serpent passe sous ses jambes, un serpent mortel, hein, oui, par exemple, elle ne saute pas de joie, elle saute de peur. Donc voilà, l'isolement dans des conditions... Et son mari qui disparaît 3 semaines par mois, bon... Et puis ils ont eu 2 enfants dans ces conditions-là. Oui. Or, accoucher, élever des enfants dans ces circonstances, c'est aussi très très compliqué. Oui. Surtout qu'elle avait des craintes folles. Ils pouvaient attraper des oui, maladies très très graves. Et il n'y avait pas de médecin pour autre que son mari, mais qui n'était là qu'une semaine par mois pour les soigner. Donc bon, je trouve que là, de la part de Paul Harvor comme de sa femme, il a vraiment fallu un esprit de sacrifice et bon, un très grand amour entre eux, oui, évidemment, parce que mais aussi voilà l'envie de se dévouer et d'essayer d'aider ces populations qui en avaient tant besoin, parce que l'espérance de vie était vraiment extrêmement brève et les maladies dont ils étaient atteints étaient non seulement mortelles, mais horriblement douloureuses. Enfin, leur souffrance était énorme. Donc, c'était leur moteur. Essayer d'aider ces gens-là. Oui, c'est vrai. Alors, en fait, il raconte aussi la montée de l'anticolonialisme, la période où ça commence à devenir difficile, juste avant l'indépendance. Ça a dû être une période super angoissante. Mais oui, et c'était très angoissant. Et puis, eux ressentaient ça comme une injustice, parce qu'eux n'étaient pas des colons. Ils étaient, d'abord, ils étaient rémunérés, bon, très peu, mais enfin, ils étaient rémunérés par l'État français. Et ils soignaient gratuitement, bien sûr. Les populations, ils ne leur demandaient absolument rien. Ils venaient vraiment là. Et puis, ils ne leur demandaient pas de se convertir à quoi que ce soit. Je veux dire, par exemple, il y avait 2 sortes de médecins. Il y avait le médecin blanc, parce qu'à l'époque, on disait bien les blancs et les noirs, et ça n'a rien de raciste du tout. Il y avait le médecin blanc qui était Paul Harvor, et puis il y avait le sorcier noir, et chacun pratiquait sa médecine. Et finalement, c'était complémentaire. eux n'étaient pas des colons. Et alors, ils comprenaient parfaitement que les pays veulent reconquérir leur indépendance, et ils trouvaient ça tout à fait légitime. Mais ce qu'ils n'admettaient pas, c'est que ça se retourne contre eux. Et c'est vrai que c'est angoissant, parce que, je le raconte, au début, tout se passe bien, tout se déroule bien. Ils ont de très bonnes relations, non seulement avec les populations que Paul soigne, mais avec les boys. Parce qu'à cette époque, ils avaient des boys, mais qu'ils traitaient comme des amis, enfin, je le raconte, et qu'ils sont devenus d'ailleurs de vrais amis. Et avec les boys, avec tous les membres du village où ils vivaient. Et puis, peu à peu, il y a une dégradation, et il y a évidemment des meneurs. Des meneurs qui plus tard sont devenus d'ailleurs des membres du gouvernement, voire président. Ça se passe essentiellement au Congo et au Gabon. Donc il y a le président du Congo qui a fait partie des infirmiers de Paul Harvor et qui a été l'un des meneurs et expliquant que l'Arvor et les autres médecins n'étaient là que pour piller les richesses et les connaissances médicales des Africains. Bon, les richesses, il n'y en avait pas, les connaissances médicales... Alors, c'est vrai que Paul s'intéressait énormément aux plantes qui étaient utilisées pas par ces sorciers, entre voilà, guillemets, oui, parce qu'elles avaient une réelle efficacité. Donc il les recueillait avec l'aide des sorciers. Les sorciers étaient tout à fait... Eux, par contre, considéraient ça comme une collaboration. Donc ils expliquaient l'usage de chacune des plantes. Paul Larvor envoyait ça à l'Institut Pasteur et espérait en tirer des choses qui pourraient être utiles ensuite, aussi bien en Afrique qu'ailleurs. Et avec eux, ça se passait bien. Mais où était le pillage là-dedans? C'était des médecins qui venaient soigner gratuitement les populations, qui sauvaient des vies et qui en arrivaient même à... C'est-à-dire qu'au moment où ils ont quitté, où ils ont été obligés de quitter ces pays parce que ça y est, c'était la décolonisation, ils étaient sur le point d'éradiquer totalement, oui, la lèpre et la maladie du sommeil. Oui. La maladie du sommeil qui est une maladie mortelle, hein, inévitablement mortelle. Il aurait suffi qu'il reste un an de plus et ils l'éradiquaient. Oui. Et alors, ce qui a été terrible, c'est que... Donc, on les a obligés à partir et la relève n'a pas été prise parce que sous l'effet de ces agitateurs, etc., on a inculqué dans les esprits que... Bon, alors la médecine de brousse, bon, c'est vrai, c'est très difficile, physiquement, c'est très très dur. Donc, si on peut éviter de la pratiquer, c'est mieux. Mais surtout, ce qui est gratifiant et honorable, c'est de travailler à l'hôpital. Oui. Donc, les médecins africains sont tous partis à l'hôpital, ont abandonné la médecine de brousse. Et donc, ces maladies qui étaient sur le point de disparaître ont commencé à se développer. Et maintenant, ça y est, il y a des millions de malades. Oui, on reparle d'une épidémie de fièvre jaune, effectivement. Oui, ça a une résonance particulière, surtout en ce moment, je trouve. Mais oui, voilà, c'est ça. Alors que si on avait continué... En plus, ils avaient tout indiqué, quels étaient les traitements, la manière dont il fallait les donner. Enfin, tout était prêt. Et c'est très triste pour ces gens-là de voir que tant de travail, parce que vraiment ils reviennent tous très éprouvés physiquement, ils le payent très cher, et tant de travail, tant de résultats, et puis en plus tant de personnes auxquelles ils se sont attachés, tout ça est anéanti. Oui. Et on comprend qu'il en soit malheureux. Oui. Alors, Ariane, le temps passe très très vite. Dites-nous où on peut trouver votre livre. Alors, il est publié aux éditions Nereia, donc une maison d'édition lorraine. Alors, on peut commander le livre en librairie, mais le plus simple, c'est de le commander sur le site internet de Nereia. Je précise que les frais de port sont offerts. et sinon, si pour les personnes qui n'aiment pas trop commander par Internet, ils peuvent écrire et envoyer un chèque aux éditions Nereia, 7 rue des Écoles, 54 740 à Rouet. Voilà. On peut aussi le trouver à la librairie Singulière et Plurielle, non, rue Lafayette? Oui, je vais aller les déposer. Parce que vos autres ouvrages y sont. Oui, oui, oui. Et là, il faut que je m'occupe de cela. Alors, vous avez quoi comme projet, comme actualité? J'ai commencé un nouveau roman. Oui. Alors, le précédent, L'oiseau de passage, traitait... J'essaye d'avoir une intrigue qui soit intéressante pour le lecteur, mais aussi de traiter d'un thème qui me semble important pour tout un chacun. Donc le précédent traitait des limites du libre-arbitre et puis de la possibilité de faire certains choix. Bon, je ne vais pas en dire plus. Bon. Et celui-là... Mon éditeur m'a demandé un thriller psychologique. Alors bon, C'est un huis clos, il y aura une tension qui va monter entre trois personnages enfermés. Et le moteur et le thème que j'ai envie de traiter, je dis ça modestement, hein, c'est le sentiment de culpabilité. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça me parle bien, ça. Écoutez, j'espère que ça donnera quelque chose de bon. On verra. Là, je ne fais que commencer. Oui. Bah, écoutez, moi, j'ai lu L'Oiseau de passage. J'ai beaucoup aimé, effectivement, aussi. C'est vrai que c'est complètement différent de Mémoire d'Afrique. Hein, c'est vrai que c'est passionnant. C'est l'histoire d'une femme, en fait, hein, qui est malade et qui se trouve devant des choix. Oui, voilà. Et la maladie est un déclencheur pour elle qui va lui permettre d'accéder à des choses auxquelles elle n'aurait même pas oser penser sans cette maladie. Elle serait restée dans sa routine qui ne lui convenait pas forcément. Bien sûr, et oui. Le fait d'être malade lui donne l'audace de s'éloigner de sa famille malgré les réactions parfois assez violentes de celle-ci, de s'éloigner et enfin d'affirmer sa propre personnalité. D'être elle-même, d'oser être elle-même. Voilà, hein, voilà, oser être elle-même. Oui, oui. Donc, c'est un roman. Alors là aussi, bon, il y a une personne malade, les gens ont toujours très peur que ce soit un livre sinistre, etc. Non, pas du tout. Je trouve qu'il est porteur d'espoir, en fait. Oui, voilà. Et puis, il n'y a pas de scène d'hôpital, il n'y a pas de scène... Enfin bref, c'est... Bien sûr qu'on parle de ces maladies puisque c'est le moteur. Donc, et puis que je veux parler de la liberté des malades à choisir de se faire soigner ou pas, voilà. Et puis la liberté de mourir ou pas. Voilà. Alors, je veux dire, pour moi, c'est un choix personnel et on doit pouvoir le faire. Oui. Donc je parle de ça, mais ça, en principe, ça n'a rien d'oppressant ni de... Non, bien sûr. Mais pour moi, c'est des thèmes très importants, ça. Oui, j'imagine. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est très porteur, dans la limite où on se dit, on n'est peut-être pas obligé d'attendre d'être malade pour oser être soi-même. Mais exactement. Cette femme-là a une certaine histoire qui a fait qu'il lui a fallu un déclencheur. Mais effectivement, on n'est pas aussi bloqué qu'elle. Et on peut oser décider d'oser de nous-mêmes, comme ça, sans que rien ne nous y pousse. Voilà. Écoutez, Ariane, le temps passe très très vite, on va être déjà obligé de se quitter. Je vous remercie infiniment d'être venue nous parler de votre livre, bien sûr. J'aurais aimé parler un peu plus longuement de votre deuxième livre, mais ce sera pour une autre fois. Avec grand plaisir, Mona. Alors, merci beaucoup, Ariane. Merci à vous. Alors, au revoir à tous et à bientôt. Au revoir.